Bonjour, madame. Je voudrais quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Ah oui ? Oh, vous êtes enrhumé. Oh, oui, j'ai le nez qui coule et en plus je tousse beaucoup, surtout la nuit. Pour le rhume, prenez ce médicament homéopathique. C'est très efficace. Je prends combien de comprimés ? Un comprimé toutes les 2 heures pendant 3 jours. Mm-hmm. Et pour la toux, voici un très bon sirop. Donnez-moi aussi de l'aspirine, s'il vous plaît. Oh, j'ai un peu de fièvre. Voilà, monsieur.